tient en bénèche comme en lapane, plusieurs façons de noter un même mouvement, j'imagine. Enfin, c'est-à-dire à partir de... comment, en gros, la question, ce serait comment la lecture du geste ou la notation du geste est en même temps une forme d'interprétation déjà. Et comment le choix se fait entre plusieurs façons de noter un mouvement. Exactement, c'est qu'une question de choix. Parce qu'un seul mouvement, il y aura trois annotateurs, il y aura trois... ou pas. Mais il peut y avoir trois façons. Par exemple, ne serait-ce que ça. Cloc. Ce mouvement-là. Soit je peux décrire que mon avant-bras va sur, que mon bras va sur le côté, mon avant-bras de l'autre côté. Ou alors je peux décrire que mon bras se rétrécit. Et... la distance entre ma main et l'épaule se rapproche. Donc déjà, il y a... Parce que le bras qui se rétrécit, c'est compliqué, mais voilà. Cette distance-là, et pourtant... Alors, dans le mouvement, ça restera la même chose, et pourtant, ça ne sera pas écrit de la même façon. Et donc, pour moi, c'est aussi c'est un choix. Qu'est-ce que je veux décrire? Est-ce que c'est le mouvement quand je vais l'interpréter? Est-ce que je pense vraiment à segmenter? Est-ce que je pense à rétrécir? C'est qu'est-ce qui est donné à, toujours pareil, qu'est-ce qui est donné à voir et quelle est la qualité qui va être c'est subtil hein, des fois c'est très subtil, le mouvement va rester le même, la qualité restera la même, mais pourtant c'est juste l'intention qui sera différente et ça changera plein de choses et c'est une question de choix. La notation manège, c'est aussi une question de choix. On pense surtout que la partition, c'est un outil de transmission. Donc, tout ce qui est écrit, va falloir le transmettre. Et que si on le note d'une certaine façon, en utilisant certains signes, par exemple, par rapport à la tonicité du corps, par exemple, ça veut dire que quand on va enseigner ces mouvements, on va parler de tonicité du corps. Donc, les choix qu'on va faire par rapport à l'écriture, c'est un choix, on pense... Plus tard, quelqu'un va prendre la partition, va transmettre cette pièce. Si je note en parlant de tonicité du corps, ça veut dire que la personne qui va transmettre la pièce plus tard va enseigner au danseur en parlant de tonicité du corps. Donc, il y a un choix à faire. Bon, dans la notation Benesch, en fait, il n'y a pas plusieurs façons de noter un mouvement. Mais il y a... Et il y a de toute façon un choix à faire par rapport à la façon dont on l'exprime. Mais par rapport aux signes, on va, je pense, tous l'écrire de la même façon. Donc une lourde responsabilité. En tout cas, une première interprétation. Ouais. Enfin, non ? Oui. Oui. Enfin, il y a déjà pour moi, il y a déjà une lecture de ce qui se passe, même si c'est le chorégraphe directement qui nous donne ce qu'il a envie. Malgré tout, on a une expérience, une sensibilité, et malgré tout, même si on veut être au plus juste, il y a déjà une première. Une façon, des choix, ne serait-ce que par les choix, il y aura une interprétation. C'est pour ça que je pense que il faut essayer. Que la notation soit dans le meilleur contexte possible. En général, quand il y a des transmissions qui se font très vite, puisque les structures n'ont pas ni le temps, ni... Voilà, ça se fait très vite. Donc, on doit prendre les informations essentielles, observer beaucoup, mais de toute façon, ça va très vite. Et il y a cet contexte où on peut travailler avec les chorégraphes, même après la transmission, où on peut poser des questions... On peut travailler par rapport à ça. Voilà, donc il faut essayer que le contexte de la notation soit le meilleur possible. Et dans ce genre de situation, est-ce qu'il a pu arriver dans les cadres divers dans lesquels vous avez travaillé qu'un danseur ou qu'un chorégraphe fasse des propositions allant à l'encontre des mouvements notés sur la partition? Et dans ce cas-là, pourquoi? Qu'est-ce qui a pu... Qu'est-ce qui peut expliquer? Je ne sais pas, tel mouvement ne serait pas compris, ou est-ce qu'il y a pu y avoir des difficultés d'exécution, par exemple? Peut-être que tu as plus d'expérience là-dedans. Moi, j'ai eu une expérience, ils m'ont demandé de corriger une partition chorégraphique. En fait, c'était une partition de Dominique Bagoué que j'avais déjà remontée à maman. Et que je travaillais après avec les sept danseurs de Bagoué. Et ils n'étaient pas d'accord par rapport à certains mouvements, ils ne retrouvaient pas l'essence du mouvement. Et on a vu qu'en fait, la notation, elle avait été faite pendant la transmission de la pièce à l'Opéra de Paris. Donc Bagoué, comme justement le contexte de la transmission était dans des conditions pas possibles, il fallait enseigner très vite. Les danseurs, ils n'avaient pas de cours de danse contemporaine, mais des cours de danse classique, donc le corps, il était peut-être pas prêt. En fait, bon, les contextes faisaient que il a changé certaines choses pour le danseur de l'opéra. Donc les sept danseurs de Bagoué ou les carnets Bagoué, ils ne retrouvaient pas des choses qui étaient très claires pour eux. Voilà. Donc c'est puisque la notation avait été faite pendant la transmission à l'opéra. Donc maintenant, il y a deux versions de la partition, une de Cher COP à l'opéra et une autre avec certaines corrections.